Activité 23. 1. Cher client, pendant 30 minutes, grande promotion sur tous les poissons avec 40% de réduction. Oui, 40% de réduction. Pendant seulement 30 minutes. Vite! 2. Après la réduction spéciale sur les pantalons, rendez-vous au rayon jouets pour les garçons. Réduction de 20% maintenant sur les jouets pour les garçons. Pour les filles, c'est cet après-midi. 3. Chers clients, rendez-vous à l'entrée du magasin pour découvrir nos promotions spéciales sur tous nos produits. Ne partez pas! Rendez-vous à l'entrée.